Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans la case du week-end qui est de retour après quelques semaines de pause. Merci d'être à l'écoute de Radio Antigone, nous sommes ensemble bien sûr jusqu'à midi comme à chaque fois. On ne perd pas les bonnes habitudes, le même programme que d'habitude hein, avec l'horoscope qui arrive dans 5 minutes, même pas. Je vous propose également de parler économie dans moins de 10 minutes avec Dominique Bayard de la rédaction de RFI, bien sûr, comme d'habitude. Est-ce que j'ai déjà dit bien sûr un bon nombre de fois aujourd'hui? C'est possible, mais comme d'habitude, je radote, j'utilise toujours les mêmes mots puisque je ne sais pas parler. Vous le savez bien, Radio Antigone avec la case du week-end, donc les actus du numérique juste après 10h30. Il y aura également l'éphéméride, bien sûr. De quoi allons-nous parler d'autre? Eh bien, il y aura les actus des médias. On va retrouver Xavier aujourd'hui qui va parler avec nous. Voilà, une petite chronique de Xavier Cabirol. Ça va faire plaisir de le retrouver. Ce sera juste avant 11h. Et puis après, il y aura tout un beau programme pour la deuxième heure de l'émission qui sera encore plus chargée que la première. Niveau musique, qu'est-ce que je vous propose? Attendez que je reprenne mon programme là. Hop, hop, hop, hop, hop, on reprend le programme. Je vous propose dans quelques minutes LMK sur Radio Antigone. Tout récent que nous allons écouter dans quelques instants. Il y aura également Deluxe avec Polishing Plus. Surrounded in the now, pronounced it with a scowl. Lost in the procedure, but I was eager to let the sound drown. Found out I succumbed to numbness when I touched the blade to watch the drops of blood trickle. Et le premier classique qui sera. Kim Carnes avec Bette Davis Ace, que l'on s'écoutera juste avant 11h. Vous le savez, chaque heure nous écoutons un des grands titres de la chanson internationale que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Kim Carnes arrive donc aux alentours de 10h47. Pour l'instant, sur Radio Antigone, il est 10h13. L'horoscope arrive dans un instant, juste après Kings of Leon. Voici Sex on Fire. êtes sur Radio Ortigone. Et nous venons d'écouter, eh bien, je n'ai même plus le nom, mais depuis la dernière fois, je me suis mieux organisé niveau mon niveau logiciel, ce qui fait que, eh bien, je peux accéder beaucoup plus facilement au titre, eh bien, du titre qui vient d'être diffusé. Et nous venons donc d'écouter Kings of Leon avec Sex on Fire. Et comme d'habitude, eh bien, qui n'a pas l'horoscope sous la main, eh bien, c'est Enzo, bien sûr. C'est l'heure, eh bien, de l'horoscope. Pourtant, qui commence tout de suite avec, eh bien, les béliers. Oui, oui, je vous propose les béliers. Les béliers, vous allez avoir de la chance aujourd'hui. Vous allez pouvoir améliorer vos revenus et ou réorganiser vos placements de manière à ce qu'ils la rapportent le plus possible. Les taureaux, eh bien, aujourd'hui, tout va bien. Un impact de désastre si puissant que, eh bien, vous allez pouvoir entretenir la flamme pour tous les amoureux. Les Gémeaux, eh bien les Gémeaux niveau amour, c'est pareil, hein, love attitude. Malgré la belle ambition que vous afficherez dans votre vie professionnelle ou sociale, l'amour conjugal ne passera pas pour autant au second plan. Les Cancers, à présent, eh bien les Cancers, le travail vous semblera bien pesant aujourd'hui, ne vous exténuez pas pour l'instant. Les Lions, eh bien les Lions, attention au climat sentimental très conflictuel dû aux tensions dans votre couple. Journée particulièrement survoltée et orageuse, marquée de disputes, de crises et de jalousie. Les Vierges, c'est à vous maintenant. Eh bien niveau famille, il vous sera difficile d'oublier vos ennuis extérieurs une fois rentrés chez vous et vous aurez plutôt tendance à faire la tête. Cependant, eh bien vous allez peut-être arriver petit à petit à arranger les choses, vos proches le sentiront beaucoup, beaucoup, et vous reviendrez ouvert et chaleureux à la maison. Les Balances. Chère Balance, eh bien, vous serez en bonne forme, un tonus en hausse pour vous aujourd'hui, les Balances. Les Scorpions, vous allez pouvoir compter sur l'appui de Jupiter pour une nette amélioration de l'état de vos finances. Le coup de chance pur ne devra pas être exclu. J'ai fait une belle liaison à être. Les Sagittaires, eh bien, pour les célibataires, les voyages seront très favorables à votre vie amoureuse aujourd'hui. Ils seront à l'origine de rencontres fort agréables, même si elles ne sont que passagères. Si vous vivez déjà en couple, vous éprouverez des besoins affectifs intenses qui exigeront des marques d'affection et des preuves d'amour. Les Capricornes, eh bien, pour vous, c'est un petit peu l'inverse, hein, puisque la réalité pourrait être très bien plus belle que la fiction. Donc non, ce n'est pas l'inverse, c'est très très bien. Vous allez pouvoir augmenter votre bonheur en prodiguant à votre partenaire des attentions et un petit cadeau bien pensé. Les Verseaux, maintenant. Les Verseaux, eh bien, niveau argent, vous serez à l'abri des problèmes graves. Soyez toutefois prudent. Et on termine avec les Poissons, bien sûr. Les Poissons, soignez votre look. Grâce à quelques artifices, vous pourrez raviver la flamme de votre couple, les célibataires, vous aurez l'air ce jour d'un poète nostalgique. Et c'est justement ce qu'il faudra pour que des cœurs sensibles aient grandement envie de vous consoler. D'accord. Voilà pour cette éphéméride. Et les Poissons, comme d'habitude, j'en prends note, hein, de cette éphéméride en tant que Poisson. Même si, lisant souvent l'éphéméride, la partie amour, je n'ai pas grand chose à faire. Il est 10h20, dans quelques instants, eh bien, on parle de quoi ? On parle économie. Le titre actuel. Mais pour l'instant, voici un petit peu de musique avec un titre tout récent. Voici Magic, c'est LMK que l'on s'écoute tout de suite. Dis-le-moi, parle-moi, ces choses qu'on ne dit pas quand ils ne t'écoutent plus. Dis-le-moi sans retenue. Dis-le-moi, dis-le-moi, tout n'est pas perdu. Quel est le fruit de ta vertu? Suis-nous maintenant, on est magique, toujours en avance. Bacalding, suis le mouvement, je t'emmène. On n'a pas le temps, on est magique, allez, en foutante. Ouais, solide, when you feel lonely, please call me. Let me be your honey bee. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Fais le pas. Thermique, mets-le sur orbite, remis, t'es magique. Chaque voix ça fait oh na na na. ouais, non plus rien à prouver, pas de gueule, n'a plus le time, non, sur le temps tout calé, calé, eh, eh. On les fait parler français, eh, eh. Yeah. Ils nous connaissent pas, mais pour toucher les étoiles, yeah. On a fait le choix, ça fait un mais c'est capital, yeah. Suis-nous maintenant, on est magique, calé en foutant, on reste solide, when you feel lonely, please call me, let me be your honey, babe. Bye bye. Fais le pas de panique, panique, panique. Quand tu bouges, c'est magique, magique, magique. Chérie, tu les shoots, shot thermique, thermique. Mets-les sur orbite, honey, t'es magique. Chaque fois, ça fait oh na na na. Honey, bee, pas de panique, panique. Chaque fois, ça fait oh na na na. On prend la technique, honey, t'es magique. Oh na na. Baba, bad girl, cross comme bolide. Personne peut te stop, tu vas trop vite. Visez ciel, pas de limite. Tous fanatiques, tu brilles, tu sentis. Sois tranquille, tu vois, focaliser là c'est facile. Pas de limite, pas de limite, pas de limite, pas de limite, non. Pas de limite, pas de limite, attention redescend. Fais le pas de panique, panique, panique. Quand tu bouges c'est magique, magique, magique. Chérie tu les shoots, shot thermique, thermique. Mets-les sur orbite, chronique, t'es magique. Chaque fois ça fait na, na, na, na. Vous êtes sur Radio Antigone, LMK magique à l'instant. Aujourd'hui l'économie. Nous parlons économie, bien sûr, comme chaque week-end dans la case du week-end. Et on retrouve eh bien la présentatrice de la matinale de RFI avec Dominique Bayard. Aujourd'hui, l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le président Macron met 1 milliard d'euros sur la table pour lutter contre la cybercriminalité, un fléau qui effraie de plus en plus les entreprises. Oui, parce que les entreprises, les attaques, pardon, sont de plus en plus fréquentes. Elles ont quadruplé l'an dernier en France. C'est un phénomène mondial qui touche aussi bien les entreprises africaines faiblement protégées que les géants américains du net. Elles sont aussi de plus en plus agressives. Les hackers rançonnent les entreprises en installant des logiciels malveillants au cœur de leur système informatique. Un genre d'attaque qui s'est développé depuis 2 ans. Si l'entreprise refuse de payer, eh bien, ils menacent de divulguer ou de détruire ces précieuses données qu'ils ont d'abord capturées. Ce rançonnage se pratique à grande échelle car les criminels du net se sont industrialisés. Les développeurs de ces malwares les mettent en vente sur le dark web, tuto à l'appui et même avec des rapports précis sur la rentabilité du produit. Le retour sur investissement de ce chantage digital est faramineux, supérieur à 500%. Il y a eu 27 attaques en France contre des hôpitaux. La pandémie a-t-elle rendu ces établissements plus vulnérables ? Alors c'est vrai qu'avec le Covid, des établissements de santé ont été ciblés partout dans le monde. En France, en Australie, en Belgique, aux États-Unis, 250 établissements ont été visés. Pour le seul mois de septembre 2020. Les hôpitaux ont souvent des systèmes informatiques anciens, donc moins bien sécurisés. Avec la pandémie, le roulement du personnel s'est accru. Les procédures pour les approvisionnements en produits de santé se sont accélérées, parfois au détriment de la vigilance. La télémédecine a aussi explosé. Les attaquants ont bien compris les failles de ces entreprises et ont cherché à en tirer le meilleur parti, même si ces établissements n'ont pas forcément les moyens de payer ces rançons. En général, le confinement a provoqué une forte hausse du trafic internet. Le terrain de chasse des hackers s'est donc fortement élargi. Le montant des rançons exigées s'est envolé, il dépasse le million d'euros. Cette inflation, c'est une nouveauté aussi de l'année 2020 et cela va avec la professionnalisation des cybercriminels. La rançon peut parfois aller jusqu'à 10 millions d'euros. Il est vivement recommandé aux entreprises de ne pas céder au chantage, mais parfois elles ne résistent pas, surtout quand elles obtiennent un dédommagement de leur assurance. Attention à la double peine, l'administration américaine menace de sanctions financières celles qui acquittent ces rançons et financent ainsi des entreprises criminelles. Pour éviter les pertes causées par ces attaques, les entreprises doivent donc bien sûr mieux se protéger. Le marché mondial de la cybersécurité, Dominique, est en plein essor, en progression de 10% par an. Un marché évalué à 100 milliards de dollars, largement dominé par des entreprises américaines où les Français ne pèsent que 5%. Ils ont pourtant des start-up prometteuses, Cybel Angel, déjà présente aux États-Unis, VadeSecure, GateWatcher, des entreprises qui pourraient devenir des licornes valant plus de 1 milliard de dollars. C'est le vœu du président Macron. Le milliard d'euros promis servira à muscler la filière. L'autre volet passe par les enquêtes de police, la coopération internationale, pourquoi pas la diplomatie contre des criminels pour la plupart basés en Europe de l'Est et s'exprimant en russe. Et en bref, dans l'économie aujourd'hui, Facebook défie l'Australie en bloquant les contenus d'informations émises par ce pays. Oui, c'est une véritable provocation au moment où le Sénat australien s'apprête à examiner le projet de loi contraignant les plateformes numériques à rémunérer les médias. Google, en revanche, a déjà signé un accord confidentiel avec News Corp, le groupe de presse de Rupert Murdoch, à la manœuvre pour l'élaboration de cette loi. Bras de fer à suivre au moment où les gouvernements cherchent à encadrer un peu partout dans le monde les géants du numérique. Enfin, Dominique, Airbus essuie une perte nette d'1,1 milliard d'euros, et ce à cause du Covid-19. Oui, c'est une conséquence directe de l'assèchement du trafic aérien. La fréquentation a baissé de 66% l'an dernier. Les livraisons d'Airbus ont chuté d'un tiers en 2020. Merci Dominique Bayard. Et merci à la rédaction de RFI, bien sûr, pour aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui l'économie qui revient dans une heure. On va continuer à parler numérique dans une dizaine de minutes avec les actus du numérique, bien sûr, qui arrivent dans quelques instants. Il y aura également l'éphéméride d'un nouveau point sur l'actualité qui arrive dans deux minutes. Il y aura également, pour redire encore une fois également, un point sur la météo. Pour redire encore une fois, un point, bien sûr, je radote encore une fois. Bonne matinée à l'écoute de Radio Antigone. Voici Benjamin Biolay et Oral San. Ne regrette rien. C'est la quasi-weekend, bien sûr, jusqu'à midi. Et dans quelques instants, c'est sur un point sur l'actualité, c'était Benjamin Biolay et Oral San. Radio Antigone. On parle numérique dans un instant. Pour l'instant, il est 10h31. Radio Antigone. La radio à vif. Et voici le flash de la rédaction. Bonjour. Bonjour à tous. Premier week-end de reconfinement locaux. Depuis hier, 18h, la métropole de Dunkerque et le littoral des Alpes-Maritimes sont sous cloche, et ce jusqu'à lundi matin 6h. Décision prise par les autorités pour ralentir la prolifération des variants du Covid. C'est donc le retour des attestations de déplacement pour faire les courses ou encore pratiquer une activité physique individuelle. Par ailleurs, à Nice, des mesures complémentaires ont été prises par le maire, comme la fermeture de la promenade des Anglais et des plages le week-end. À noter en revanche l'autorisation de la tenue des messes dominicales qui voient leur durée ramenée à 30 minutes maximum. Quant aux librairies, elles rejoignent la liste des commerces dits essentiels. Elles peuvent donc rester ouvertes lors des confinements du week-end. L'exécutif planche sur de nouvelles restrictions dans 20 départements où les cas de coronavirus menacent de flamber. Il s'agit de tous les départements d'Île-de-France, de la plupart de ceux de la région PACA, du Rhône, de la Drôme, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et de l'Eure-et-Loire. Une décision sera prise la semaine prochaine, applicable dès le week-end du 6 mars si la situation continue de se dégrader. Un comité d'experts recommande la mise sur le marché du vaccin de Johnson & Johnson aux États-Unis, ce qui ouvre la voie à la distribution imminente de plusieurs millions de doses d'un troisième vaccin contre le Covid dans le pays. La Chambre américaine des représentants a approuvé le vaste plan de relance de 1900 milliards de dollars porté par Joe Biden grâce aux seules voix des démocrates. Dans le détail, le plan Biden prévoit plusieurs dizaines de milliards de dollars pour l'accélération du rythme des vaccinations et le déploiement des tests, ou encore 130 milliards de dollars pour aider les écoles et lycées à rouvrir malgré la pandémie. Dans la page sport, le propriétaire de l'OM a annoncé de profonds changements au club. Il a écarté le président Jacques-Henri Hérault au profit du directeur sportif Pablo Longoria. Il a également nommé l'Argentin Jorge Sampaoli nouvel entraîneur du club. Merci beaucoup à la rédaction pour ce flash. Prochain point sur l'actualité, c'était tout à l'heure à 11h bien sûr. Mais pour l'heure, voici un petit point sur le temps de votre journée. Avec quoi ? Eh bien avec la météo bien sûr. Bonjour. Bonjour à tous, du soleil pour tout le monde ce samedi matin, mis à part sur Lyon et Montélimar où on attend quelques gouttes de pluie. L'après-midi, ces averses se déplaceront sur Montpellier et Marseille. Ailleurs, ce sera un temps sec et ensoleillé. Pour les températures, comptez entre moins 1 et 8 degrés. L'après-midi, on aura 11 degrés à Lille, 12 à Paris, 15 à Vichy, Bordeaux et Perpignan, 16 degrés à Ajaccio et 17 degrés à Nice. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci beaucoup d'être à l'écoute de Radio Antigone. C'est la case du week-end qui se poursuit. Et nous allons bien sûr parler numérique dans quelques instants avec le retour des actus du numérique. Il y aura l'éphéméride dans une dizaine de minutes à 10h44. Dans 9 minutes, normalement, si je suis à l'heure, il n'y a pas de risque. Hein. Donc, on va plutôt dire une dizaine de minutes, comme ça, je ne vous mentirai pas. Et puis, il y aura les actus des médias, bien sûr, avec Xavier Cabirol qui nous rejoindra pour eh bien, sa carte blanche, la carte blanche de Xavier. On va parler notamment de l'incident aux 13h de TF1 la semaine dernière avec Xavier Cabirol. A tout de suite. Je vais réussir à prononcer. A tout de suite, Xavier. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler, mais bon, ça m'arrive, j'ai beaucoup de mal à parler parfois. Alors, mon chat va venir m'embêter, ce qui ne m'arrange pas. Donc, je vous propose de, eh bien, de vous communiquer le programme musical. Oui, je surveille, je jette un œil en arrière. Niveau musique, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, je vous propose J.C. Stewart avec Break My Heart. If you're gonna break my heart. Le premier classique de la quête du week-end sera Kim Carnes. Je vérifie, mais mon chat est juste en hauteur à contempler le soleil, à prendre le soleil. Voilà, un petit bain de soleil, ça fait toujours du bien. Radio Antigone, la case du week-end, merci beaucoup d'être avec nous. Voici tout de suite Polishing Peanuts, juste avant de parler numérique, avec ses Deluxe et C4 tout de suite. Wasn't meant to be. Do I deserve it when the only thing left is me? Yeah, I've been jealous and bitter, a bad but a quitter. But my big fat mouth doesn't make me a liar. Loud don't mean a thing when the shape of it's gone. I take a good note and then write a crappy rap song. Love is patient and blind. Love is constant and kind. It's a real crying shame. I'm being forced to decline. Surrounded in the now, pronounced it with a scowl. Lost in the procedure, but I was eager to let the sound drown. Found out I succumbed to numbness when I touched the blade. To watch the drops of blood trickle for every single fuck I gave. Another day exposed, closer to post-mortem. My angels need to escape this place, but I won't force them. I punctured at the reason, but I seem to pass them by. Then I'm finally grasping peace when I seem to fantasize. Could it be I'm half alive with shattered signs of hope? Or in a relationship trying to capsize the boat? I never weigh the option, I'm just often uninspired. Like in passion when I'm stranded in this land of once admired. The one desire prior to the need to pass the time. To find an equal with an evil other people can't describe. The demons that I'm seeking, living, breathing, bitter hate. So I guess love the only reason that my dreams are liberated. À l'écoute de Radio Antigone. Deluxe avec Polishing Peanuts à l'instant sur la radio à vif. Radio Antigone, les actus du numérique. Deux petites actus en bref pour ces actus du numérique. Et tout d'abord Huawei, le géant chinois qui, selon quatre sources très sérieuses citées par l'agence de presse Reuters, se préparait bien à se lancer dans les voitures électriques sous sa propre marque. Des pourparlers avec des industriels seraient d'ores et déjà en cours. Alors Huawei voudrait-il bouleverser sa ligne éditoriale, sa stratégie éditoriale? La question se pose puisque, eh bien, tout simplement, c'est un petit peu compliqué pour Huawei depuis les problèmes avec les États-Unis, la possibilité d'utiliser Android pour ses téléphones, ces téléphones qui étaient pourtant très très prisé hein, des utilisateurs américains ou même européens avec une part de marché qui était énorme pour Huawei. Et donc Huawei qui se renouvelle et qui pourrait lancer une première voiture électrique dès 2021. Oui. Alors c'est un petit peu compliqué hein, ça va être un petit peu compliqué de commercialiser un premier modèle dès cette année, mais les prévisions sont extrêmement optimistes pour l'entreprise. Pour l'instant, un représentant de Huawei a tout de même démenti les rumeurs. Donc, à suivre, affaire à suivre, on en reparlera bien sûr dans la case du week-end de Radio Antigone. Et deuxième petite actualité en bref, sachez que vous l'avez peut-être remarqué, Google a remanié un petit peu sa carte météo, sa fonction météo. Quand vous faites une recherche météo sur Google avec le bulletin météo qui s'affiche directement, quelques petites mises à jour niveau design, voilà, pour que ça soit plus compact notamment, et puis pour que ça soit plus moderne. Voilà, quelques petites optimisations qui s'associent à toutes les optimisations. Vous avez sûrement remarqué également un changement complet du design de la recherche sur mobile notamment. Voilà, ils ont plus qu'un petit peu d'ailleurs remodelé tout cela. Voilà pour les actus du numérique qui reviennent dans une heure bien sûr. On va écouter un titre tout récent dans quelques instants, mais je ne l'ai pas sous la main. Sinon, ça serait trop simple bien sûr. Allez, c'est parti. Le titre actuel. Merci beaucoup d'être avec nous. L'éphéméride dans un instant, juste après JC Stewart, voici Break My Heart. Oh, loving you, it kills my courage. Oh, loving you, it takes my pride. Gonna do it, do it right, yeah. If you're gonna break my heart, then do it right. Don't you leave me hanging on like the last time. Break my heart, then do it right. Oh, it's gonna burn without you. Oh, without you. Oh, without you. Oh, without you. Crack my head. Merci d'être sur Radio Antigone. JC Stewart avec Break My Heart à l'instant. L'éphéméride. Nous sommes le 27 février, le 58e jour de l'année. Mais oui. Bon anniversaire aujourd'hui à qui? Eh bien, je me demande bien. Bon anniversaire à Yolande Moreau, qui a 68 ans. Bon anniversaire à Alix Poisson, l'actrice, qui a, quant à elle, 42 ans. Bon anniversaire également à Kate Mara, 38 ans aujourd'hui. Voilà. Qui a-t-il d'autre? À qui d'autre puis-je fêter son anniversaire? Eh bien, je ne vois pas spécialement d'autres personnes. Bon anniversaire, en tout cas, à vous. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bien sûr, mais oui. Bon anniversaire à vous, j'ai pas la chanson sous la main, désolé, hein, malheureusement. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'ours polaire, la journée mondiale de l'anosmie, voilà, et la journée mondiale des ONG, des organisations non gouvernementales. Trois journées mondiales donc aujourd'hui. Voici quelques événements s'étant déroulés un 27 février. Avec, eh bien, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire que je retrouve ça? Je ne sais plus, mais oui, bien sûr, je ne sais plus, alors je peux vous dire bonne fête aux honorines, déjà, première chose. On peut noter qu'un 27 février a été sacré Henri IV, c'était à Chartres, en 1594, le roi de Navarre Henri de Bourbon est donc sacré et devient roi de France sous le nom d'Henri IV, après s'être converti au catholicisme. Voilà, voilà, voilà, et on peut notamment également noter la naissance de la République dominicaine le 27 février 1844, 40 ans après l'indépendance d'Haïti. La population créole de la partie orientale de l'île de langue espagnole profite d'une grave crise politique pour s'émanciper et donc créer la République dominicaine. Voilà pour votre éphéméride. Dans une heure, eh bien, aux alentours de 10h45, ce sera les actus du sport. Et dans quelques instants, nous parlons médias avec qui, avec qui, avec qui? Eh bien, avec Xavier, que nous aurons grand plaisir à retrouver dans quelques instants. Mais oui, mais oui. Mais pour l'instant, on va s'écouter un petit peu de musique, bien sûr. Est-ce que je suis à la ramasse? Totalement. Je n'ai pas la musique sous la main, mais ce n'est rien. Je vais le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Mais oui, mais oui, mais oui. Le classique de la case du week-end. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas raté comme ça, mais bon, voilà, c'était un petit peu plus compliqué pour la préparation cette semaine, donc eh bien je me suis raté. Ça faisait longtemps que tout n'avait pas été totalement prêt dans la machine niveau musique, tout à la suite. Mais ça va le faire, ce n'est rien, la musique arrive dans quelques secondes. Voilà, le temps de parler, j'espère que vous allez bien, que ça vous fait plaisir d'écouter la case du week-end, malgré bien cette catastrophe de ma part. Allez, c'est parti, voici tout de suite Kim Carnes avec Bette Davis Ace, un titre sorti en 1993, ça nous rajeunit pas, hein? Twice. La case du week-end de Radio Antigone avec Kim Carnest, Bette Davis, Aze sur Radio Antigone. Radio Antigone. Les actus des médias. Et dans les actus des médias, c'est l'heure de la carte blanche de Xavier. Et aujourd'hui, elle est axée sur la principale actu média pendant les vacances de la case du week-end. En effet, alors Xavier est de retour sur l'antenne de Radio Antigone après une période d'absence due au travail à côté de l'antenne et à de nombreux empêchements personnels. Comme on dit, mais rien de très grave, bien sûr, pour la case du week-end. On espère qu'il va bien au mieux. En tout cas, il est de retour et il sera dans la case du week-end pour des cartes blanches aussi variées que ponctuelles. Mais bref, l'essentiel, c'est qu'il soit là. Bonjour, mon cher Xavier. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Très heureux de te retrouver, mais aussi de retrouver tous nos auditeurs. Eh oui, nous aussi, on est heureux de te retrouver, Xavier. Et tu reviens donc sur cet incident au 13h de TF1. En effet, c'est l'une des principales actus médias pendant les vacances bien méritées de la case du week-end. C'est ce bug au 13h, le jeudi 18 février. Et c'est en tout début du journal. On écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 13h, mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, c'est totalement inédit. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal de 13h. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique. Alors, croyez-le bien, nous en sommes évidemment désolés. Nous vous prions de nous en excuser. Nous allons devoir en rester là, je le redis. C'est absolument inédit. Par correction, je tenais à prendre l'antenne pour vous dire cela. Et puis pour vous dire aussi que si ce problème venait à se rétablir, eh bien, nous reviendrions à l'antenne, évidemment. Nous vous proposerions votre journal de la mi-journée. En attendant, je vous laisse avec l'émission reportage. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à demain. Encore toutes nos excuses pour cet énorme problème technique que nous subissons comme vous. Et TF1 diffusera son journal raccourci à 13h37. À cette heure-ci, Marie-Sophie Lacaro dira que la raison de ce bug est une panne réseau. L'existence du bug est assez contestée, notamment par le Canard Enchaîné, qui aurait révélé la réelle existence de ce problème technique mercredi dernier. Niveau audience, évidemment, le 13h de France 2 a gagné un téléspectateur entre 12h58 et 13h38. 13h38 étant l'heure à laquelle a fini le journal de France 2 et l'heure à laquelle le journal de TF1 a commencé. Le journal Le journal de France 2 a rassemblé 5,4 millions de téléspectateurs avec une part de marché à 41%, ce qui est des scores semblables à ceux que fait Marie-Sophie Lacaro en temps normal. Et pendant ce temps-là, c'était le magazine Reportage qui était diffusé sur TF1 qui a rassemblé 1,3 million téléspectateurs. Et donc, au retour sur TF1 du journal de 13h, donc à 13h37, le journal a rassemblé 2 900 000 téléspectateurs avec une PDA de 26%. La PDA, c'est la part de marché. Ceci dit, à long terme, les audiences du journal de TF1 n'ont pas été fragilisées. Au sujet des audiences, Julien Bugier s'est permis une phrase à la fin de son JT le 18 février. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux paraît-il aujourd'hui. Et cette phrase est mal passée. En effet, elle n'a pas été jugée fair play. Et le présentateur sur Twitter a présenté ses excuses plus tard, mettant en avant un humour maladroit. De nombreux internautes sur Twitter ont pris ce bug avec humour. De nombreux ont fait leurs hypothèses et ont suspecté Jean-Pierre Pernaut d'avoir changé la clé Wi-Fi. À ce sujet, plus tard, Marie-Sophie Lacaro confessera que Jean-Pierre Pernaut a été l'un des premiers à rire de ce genre de tweet. Mais comme dit tout à l'heure, Marie-Sophie Lacaro a annoncé une panne réseau et le Canard Enchaîné a mené son enquête. En effet, mercredi, le Canard Enchaîné a révélé ce qui, selon ses sources, serait la réelle raison de ce bug. Ce serait une erreur humaine. Ce serait un informatique extérieur au groupe Bouygues, donc le groupe qui possède TF1, qui aurait lancé une mise à jour à 12h10, mise à jour qui se fait normalement la nuit, et à 12h47, il est impossible de faire réagir les ordinateurs. Les techniciens de TF1 ont alors essayé de faire appel au serveur de secours et ils ont eu la surprise de découvrir que le serveur de secours était au final relié au principal. Alors, ils ne pouvaient rien faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de journal de 13h à 13h le jeudi 18 février. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cet incident technique qui a fait l'une de l'actualité média pendant les vacances de la case du week-end. Et bonne matinée à tous, bonne semaine à tous et bonnes vacances pour les vacanciers de la zone B à qui reste une semaine de vacances. Et bonne chance pour la reprise aux vacanciers de la zone C pour qui c'est le dernier week-end de vacances. Merci beaucoup Xavier et sachez chers auditeurs que vous retrouverez également Xavier Cabirol pour la première de sa nouvelle émission Les Entretiens ce samedi à 14h sur Radio Antigone. Xavier, quel sera l'invité de cette première? Et pour la première, notre invité sera Alexandre, étudiant à Lille. J'espère vous serez à l'écoute. À tout à l'heure. Merci beaucoup Xavier pour ce programme. Vous êtes sur Radio Antigone, merci beaucoup d'être avec nous. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité. Merci encore à Xavier, bien sûr, pour toutes ces infos et cette chronique média. Voici tout de suite un petit extrait d'Arcade Fire, Everything. Everything, no. Ouais, c'est toujours pas mieux l'anglais, hein. C'est tout de suite sur Radio Antigone, je vais y arriver. Un point sur l'actualité arrive dans une minute trente. Oula. Radio Antigone avec Arcade Fire à l'instant, Everything No, et je suis désolé pour Antoine, le président de la radio. Je n'ai mais alors pas du tout le temps de mettre le nouveau temps horaire dans la machine, voilà. Et pour te dire, je viens même malencontreusement de supprimer celui qui est dans la programmation, donc il faut que je le remette manuellement dedans. Donc tu vois, pour le nouveau, il va falloir encore attendre un petit peu. Je suis habitué avec l'ancien en plus pour parler dedans, donc il va juste falloir que je le mette. Et je verrai si demain. Et il est là, voilà. Donc je te donne rendez-vous demain pour peut-être entendre ce nouveau top horaire sur Radio Antigone. Et pour vous aussi. Oui, pour vous aussi, chers auditeurs, entendre ce nouveau top horaire. Alors, je suis très très en retard, donc c'est parti, eh bien, on y va. Radio Antigone. Il ne

également le tout dernier Ariana Grande. Position arrive dans les 30 prochaines minutes et juste avant midi, pardon, le titre classique avec Patrick Hernandez. Vous avez reconnu ce titre, Born to be Alive arrive sur Radio Antigone avant midi, bien sûr. Pour l'instant, il est 11h08. Normalement, il est l'heure de l'archive pub. L'archive pub. Et là, eh bien, ça va être un gros hasard. Voilà, je vais choisir une année au hasard. Allez, je choisis 2007 aujourd'hui. On va prendre une pub assez récente. Je crois qu'on a déjà fait 2007 récemment, donc on va mettre 2008. Voilà, voilà. Et il y a une pub Renault. Eh bien, allez, une pub Peugeot, pardon. Allez, c'est la pub donc que je vous propose. Il faut juste que je vérifie que niveau son, il ne va pas y avoir de problème. Je croise les doigts. Attention, c'est parti. C'est parti. C'est une catastrophe. Voilà, il faut le dire clairement. Là, je suis sûr que c'est encore repassé sur la boucle de secours. On va laisser tomber l'archive pub. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je ne sais pas. À voir. Je ne pense pas. Ouais, là, c'est sûr. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je ne sais pas du tout. Oh non, mais là, c'est une catastrophe. Ah, on entend ma douce et lumineuse voix, me dit Xavier. Merci, très bien. Ça veut dire que j'ai pas fait plus de 2 secondes de blanc. C'est parfait. On va donc laisser tomber l'archive pub. Je suis désolé, c'est un petit peu complexe. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et ça m'énerve. Voilà, tout simplement. Je vous le dis clairement, ça m'énerve. J'ai une très belle installation et ça fait n'importe quoi. Voilà, c'est un petit peu compliqué la reprise. La première heure était bien, la deuxième heure est un petit peu compliquée. Antoine, personne ne se moque derrière, à part moi qui me moque de moi. Voilà, vous l'avez compris, on discute hors antenne sur ce qu'il se passe à l'antenne. Alors, est-ce que je vais quand même réussir à vous proposer le Musicator 2000? Parce que je vais avoir le même problème pour le Musicator 2000. Voilà. Là est le problème. Le Musicator 2000 arrive-t-il? Je n'ai pas compris pourquoi ça bug comme ça. Je ne comprends pas. Le Musicator 2000, ça va être compliqué. Je vais essayer de le mettre. Je tente. Allez, je tente le Musicator 2000. Je le sens mal. Rendez-vous tout de suite sur Online Radio Box. Oh, c'est une catastrophe, là, le début de cette deuxième heure. Mais vous êtes toujours à l'écoute de Radio Antigone, la case du week-end. Qui continue, je vous propose de partir en Biélorussie. Aujourd'hui, attention, on va sur Yomop FM. Voilà, je ne sais pas prononcer le cyrillique, hein, je ne sais pas lire le cyrillique, donc c'est un petit peu compliqué. Et actuellement diffusé, il y a Paraforkuva, c'est Wicked Games. Pourquoi il y a la musique qui part en arrière-plan? Je ne comprends pas. C'est une catastrophe, je ne comprends pas, il y a de la musique qui part de je ne sais pas où. Je ne comprends rien, en fait je ne comprends rien à ce qui se passe là, je ne comprends plus rien. C'est une catastrophe, mais une vraie catastrophe. Alors, on écoute donc. Est-ce que ça part? Pas du tout. Bon, est-ce que c'est... C'est une catastrophe. Voilà, on retrouve les grandes heures de la case du week-end quand ça part dans n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais en fait. Ça là, c'est Quand je veux faire des choses comme ça, improvisées, telles que sont, eh bien, malheureusement, le Musicator 2000, le problème, c'est que c'est le principe du Musicator 2000, eh bien, rien ne va. Est-ce que je peux peut-être faire un petit changement de sortie audio très très rapidement et qui permettrait de ne pas avoir ce problème ? Non. Très bien. Eh bien, je vais aller disputer le créateur de ce logiciel. Voilà. Le Musicator 2000 qui passe également à la trappe. Voilà, quelle belle émission, dis donc, aujourd'hui. Eh bien, ce n'est rien, on va s'écouter un petit peu de musique. Voilà, parce que vous entendez ma voix, mais vous commencez à en avoir marre de ma voix. La suite de la deuxième heure de la case du week-end va être très très bien, je vous le promets. Voilà, après ces 13 minutes de blanc, tout va très bien, ne vous inquiétez pas. On va s'écouter de la très bonne musique qui va vous mettre de bonne humeur. Voici tout de suite Jet avec Are You Gonna Be My Girl sur Radio Antigone, un titre sorti en 2003. With me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Gonna be my girl. So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do you? Now you don't need the money with a face like that. Don't need a money with a face. Don't need a money with a face. Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Merci beaucoup d'être à l'écoute de Radio Antigone. Vous êtes bien là, c'est la case du week-end qui, bien sûr, continue. Il est l'heure du programme télé à 11h17. Radio Antigone, le programme télé. Et encore désolé pour ce gros problème technique. Voilà, je ne comprends pas du tout pourquoi ça fait ça. Ce n'est pas logique, voilà, mais ce n'est rien. Hein, c'est système D un petit peu de la case du week-end. On fait avec le matériel que l'on a, que on fait avec ce que l'on peut faire. Le programme télé donc avec ce soir sur TF1 un nouveau numéro de The Voice. Sur France 2 un numéro de Surprise Surprise avec Laurie Tillman. Sur France 3 le téléfilm Police de caractère avec plusieurs épisodes. Le premier se nomme Post-Mortem. Sur Canal+, vous avez du rugby avec la 15e journée de Top 14. Voilà, tout simplement. Sur France 5, Échappée Belle. M6 vous propose eh bien Hawaï 5-0 avec la dernière saison inédite. Sur Arte, Antarctica sur les traces de l'Empereur. Magazine diffusé à 20h50, suivi à 22h25 de la grande histoire du ski. Sur C8, rediffusion toute la soirée d'animaux à adopter, nouvelle famille pour une nouvelle vie. Sur W9, la petite histoire de la France, c'est inédit et c'est à partir de 21h05. Sur TMC, rediffusion de Colombo, TFX, chronique criminelle, NRJ12, moderne family, LCP, public, Sénat, agriculteur 3.0, c'est une rediffusion. France 4 vous propose un numéro inédit de Ninjago. Sur C-Star, Ghost Adventure. Sur Gulli, comme depuis quelques mois, les aventures du chapeauté. Sur Culture Box, et c'est la première fois que je l'annonce ici, Culture Box, mais oui, à 21h06, vous avez, eh bien, un petit moment musical avec André Manoukian et le jazz au Duc de Lombard. C'est à partir de 21h06 et c'est suivi du concert basique à 23h12, Claudio Capéo. Sur TF1 Série Film, plusieurs numéros de Joséphine Ange-Gardien. Sur la chaîne L'Équipe du Catch, sur Sister, Rénovation Impossible avec un numéro inédit. Inédit également le magazine Sécurité Routière, Délinquance Hors du Commun, ça c'est sur RMC Story, canal 23 de la TNT. RMC Découverte, Canal 24 vous propose des rediffusions de Seul face à l'Alaska. Et pour terminer avec un programme inédit sur Chérie 25, la série télé Gemstone. Voilà pour votre programme télé sur Radio Antigone. Il est 11h19, quasiment 11h20. Voici un petit peu de musique. Le titre actuel. Normalement, un petit peu de musique, hein. Dans quelques instants, nous parlons une nouvelle fois économie sur Radio Antigone avec Dominique Bayard que nous allons retrouver dans 10 minutes un nouveau point sur l'actualité. Pour l'heure, voici Ariana Grande, Positions. Come on. Ariana Grande. Position sur Radio Antigone à l'instant. Et nous allons retrouver, bien sûr, aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard dans quelques instants. Mais oui, je suis toujours à la ramasse. Encore désolé hein, pour ce gros problème technique tout à l'heure qui est normalement réglé maintenant. Allez, c'est parti, on parle économie. Aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui, l'économie et Dominique Bayard, bonjour. Bonjour Céline. De Londres à Dubaï, les grandes métropoles se vident à cause du Covid-19. C'est une véritable hémorragie dans les pays à forte immigration. Et c'est dans le Golfe que le phénomène est le plus marqué. Plus de 4% de la population s'est littéralement évaporée dans cette région du monde, selon l'étude publiée cette semaine par Standard & Poor's. C'est d'après l'agence, la capitale mondiale du luxe Bling Bling, l'émirat de Dubaï, qui attire toujours énormément de touristes, est la cité la plus affectée par cet exode. Oman, pour sa part, a vu sa population reculer de 12% en un an. Dans cette région du monde, les expatriés représentent 80% de la main-d'œuvre. Ils sont le moteur de la croissance parce qu'ils apportent des compétences peu répandues localement, ou bien aussi, évidemment, parce qu'ils acceptent des bas salaires. Et ils sont aussi, Dominique, la variable d'ajustement en cas de crise. Oui, il n'y a pas de filet de sécurité sociale pour eux. Ils doivent partir dès que l'activité s'essouffle. Historiquement, leur afflux est corrélé au prix du pétrole, la principale ressource de la région avec le gaz. Alors, quand les cours sont élevés, les expatriés sont très demandés. Et quand les cours se replient fortement, eh bien, ces travailleurs pauvres sont très vite remerciés. Leur arrivée dans le Golfe a commencé à ralentir en 2015, après le plongeon du baril de 2014, la crise du pétrole de début 2020, combinée aux effets du ralentissement entraîné par le confinement, a carrément provoqué une chute de la population, une calamité hein, pour ces migrants. Ils ne peuvent plus envoyer de l'argent dans leur famille. Les pays du Golfe sont l'un des principaux gisements de transfert d'argent. Le quart des transferts des expatriés provient de cette région du monde. Et ces migrants ont donc tout intérêt à revenir au plus vite. Oui, mais malgré le pic actuel du pétrole à $60, Standard & Poor's table plutôt sur un baril autour de $50 cette année, c'est-à-dire un niveau trop faible pour générer. Allez, c'est parti. Et l'extrait qui ne passe pas jusqu'à la fin, on retrouve Dominique Bayard tout de suite. Pourquoi est-ce que l'extrait ne passe pas jusqu'à la fin? Je ne sais pas. Voilà, là, sincèrement, je ne peux pas vous dire. Je ne comprends pas. Je n'y comprends rien. Trop faible pour générer une croissance assez vigoureuse pour déclencher leur retour. Par ailleurs, ces pays ont tous durci leurs conditions d'accueil des travailleurs étrangers pour privilégier l'emploi national. La région se trouve donc à un moment charnière avec la reprise post-Covid. Elle pourrait réattribuer les emplois aux nationaux et ainsi fournir un travail aux jeunes les plus touchés par le chômage. Mais faute d'investissements suffisants dans l'éducation, ils ne seront pas forcément formés ou par ailleurs prêts psychologiquement, culturellement à accepter des emplois subalterne. La croissance à moyen terme des pays du Golfe pourrait donc être affaiblie par cette absence de main-d'œuvre étrangère. Et la capitale du Royaume-Uni, Londres, a perdu 8% de sa population depuis le début de la crise sanitaire. Sa situation est-elle comparable à celle du Golfe ? Alors, en partie, comme beaucoup de grandes villes occidentales, la capitale britannique a été désertée par les jeunes citadins aspirant à un mode de vie plus tranquille et moins cher à la faveur du télétravail. Elle a été aussi abandonnée à cause du Brexit, mais comme à Dubaï ou à Riyad, c'est surtout le départ des travailleurs étrangers très présents dans les services qui l'ont dépeuplé, 700 000 habitants en moins. À cause des confinements, mais aussi à cause de la vigueur de la pandémie, ces travailleurs en majeure partie originaires d'Europe de l'Est ont préféré retourner chez eux. Ils ont retrouvé une certaine sécurité sanitaire et très vite un emploi. Pas sûr qu'ils soient très motivés pour le ticket retour. Le Royaume-Uni a perdu au total 1 300 000 habitants, mais les migrants continuent d'être aimantés par ce pays. Des arrivants d'autres régions du monde pourraient très rapidement prendre le relais. Aujourd'hui, l'économie. Merci Dominique. Merci Dominique Bayard. Voilà, c'est ce que Céline, la présentatrice de RFI Matin cette semaine, voulait nous dire. Merci beaucoup à vous aussi, la rédaction économique de RFI pour aujourd'hui l'économie. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité. Après Interpol, voici Restamay Chimistry. Je ne sais pas parler. Radio Antigone. C'est un plaisir d'être avec vous pour la case du week-end et j'espère que le plaisir est partagé. Nous venons d'écouter Interpol avec Rest My Chimistry. Radio Antigone. C'est pas bien de vous moquer de ma prononciation anglaise. Il est 11h30. Radio Antigone. La radio à vif. Je vous autorise, vous pouvez vous moquer autant que vous voulez de ma prononciation de l'anglais, voilà, autant que vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir sur ça, vous pouvez vous moquer de moi. Par contre, on ne se moque pas de la rédaction pour le Flash. Bonjour à tous. La France en sursis. Le Premier ministre a listé les 20 départements sous forte tension lors d'une conférence de presse. C'était jeudi. Il s'agit de tous les départements d'Île-de-France, de la plupart de ceux de la région PACA, dont les Bouches-du-Rhône et le Var, le Rhône, la Drôme, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle ou encore l'Eure-et-Loir. Une décision sera prise la semaine prochaine, applicable dès le week-end du 6 mars si la situation continue d'empirer. Il pourrait s'agir d'un couvre-feu localisé le week-end, comme à Dunkerque et sur le littoral azuréen. Premier week-end confiné pour ces deux territoires. Autre fer de lance du gouvernement, le déploiement massif des tests salivaires dès la semaine prochaine, en priorité dans les écoles maternelles et élémentaires. Les tests doivent permettre de renforcer la politique de dépistage du Covid et rompre au plus vite les chaînes de contamination. Objectif, tester 300 000 enfants par semaine. Concernant la vaccination, notez qu'en France, un peu plus de 2,8 millions de personnes ont reçu une dose de vaccin et parmi elles, 1,4 million ont reçu les deux doses. Et d'ailleurs, la vaccination en entreprise contre le Covid a démarré jeudi en France et c'est un démarrage au ralenti, hein, d'après des acteurs des services de santé au travail. Pour l'instant, sont concernés les salariés âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité, avec donc une administration du vaccin AstraZeneca sur la base du volontariat. Et après les services hospitaliers saturés par la crise, les services de pédopsychiatrie, eux aussi, sont pris d'assaut. À noter une augmentation majeure des demandes de soins, des passages en urgence et des indications d'hospitalisation depuis la crise sanitaire, avec des pics en octobre et en novembre. Et puis en raison de cette crise sanitaire, il n'y a pas de salon de l'agriculture cette année. En compensation, 200 fermes à travers le pays accueillent ce week-end à l'initiative de la Confédération Paysanne les visiteurs. La liste des fermes participantes est à retrouver sur confédérationpaysanne.fr. Et puis du top 14 à suivre aujourd'hui, La Rochelle affrontera Toulouse et Agen Clermont. Merci beaucoup à la rédaction pour le flash, voilà. Et là maintenant je peux dire là puisque c'est l'heure de la météo. La météo, bonjour. Bonjour à tous, du soleil pour tout le monde ce samedi matin, mis à part sur Lyon et Montélimar où on attend quelques gouttes de pluie. L'après-midi, ces averses se déplaceront sur Montpellier et Marseille. Ailleurs, ce sera un temps sec et ensoleillé. Pour les températures, comptez entre moins 1 et 8 degrés. L'après-midi, on aura 11 degrés à Lille, 12 à Paris, 15 à Vichy, Bordeaux et Perpignan, 16 degrés à Ajaccio et 17 degrés à Nice. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end. Dans encore 25 minutes, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Midi, heure à laquelle vous retrouverez le Radio Antigone midi. En tout cas, ouais, je frise aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de diffusion là? On m'entend pas? Que se passe-t-il? Qui a du mal? C'est merveilleux! Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Eh bien. Alerte, je suis là. Voilà, est-ce que c'est mieux? Normalement, c'est mieux. Oh, voilà. Oh, ça fonctionne. Par contre, là, ça c'est en train de tout rattraper. Ça va être une catastrophe. Parfait, c'est bon. Allez, je suis de retour. Bon, cette deuxième heure est définitivement catastrophique. Voilà, je crois qu'on peut le dire. Mais c'est rien, on se fait plaisir. J'espère que l'émission n'est pas trop mal, malgré ces gros problèmes techniques. On est donc là jusqu'à midi. Pas d'actu du numérique, mais les actus du sport qui arrivent dans un instant. Il y aura également un titre actuel. Bien écouter un petit peu de titres français aussi avec La Vie Dolce, c'est Suzanne que l'on écoute dans quelques instants. Et puis un classique musical arrive avec Born to Be Alive. Nous allons l'écouter dans quelques instants, notre cher Patrick Hernandez avec Born to be Alive, bien sûr. Mais pour l'instant, eh bien, il est l'heure d'écouter The Ivy avec What Makes a Good Man. Oui, j'ai du mal avec la prononciation, c'est de pire en pire. Et dans quelques minutes, nous allons faire un point sur toutes les actus sportives de ce week-end. c'était The Heavy avec What Makes a Good Man sur Radio Antigone dans la case du week-end. Le titre actuel. Et avant de parler sport, voici Suzanne et Feder, La Vie Dolce. La Vie Dolce sur Radio Antigone, un titre tout récent que nous venons d'écouter dans la case du week-end. Est-ce que j'ai du mal à parler totalement? Mais vous allez voir, pire arrive puisque c'est l'heure des actus du sport. Et on commence tout d'abord avec ce petit rappel, tout simplement, le match entre le 15 de France et l'Écosse a été reporté, c'est du rugby, reporté en raison d'un 16e cas de Covid-19 chez les Bleus. Deux autres affiches alléchantes restent au programme tout de même ce samedi, avec tout d'abord Pays de Galles, Angleterre à 17h45 et Italie-Irlande à 15h15. Les deux rencontres sont à suivre sur France 2 et sur France.tv. Tiger Woods a eu un gros accident de voiture cette semaine, mais les nouvelles sont rassurantes, et oui, puisque les soins prodigués au prodige du golf pour de graves blessures à une jambe après cet accident de voiture ont réussi et le golfeur se rétablit. C'est ce qu'a annoncé vendredi dans la soirée son entourage via le compte Twitter de la star du golf. Et on passe du côté de la gymnastique avec 17 gymnastes, dont 3 athlètes olympiques qui vont se lancer dans une action en justice contre la Fédération britannique de gymnastique. Elles accusent leur ancien entraîneur de maltraitance physique et de maltraitance physique et psychologique généralisée. Et dans une lettre ouverte remise aux instances dirigeantes de la fédération que les gymnastes se sont expliquées, ils expliquent qu'ils étaient alors âgés de 6 à 23 ans au moment des faits présumés. On passe bien au cyclisme avec la saison des classiques qui débute ce week-end avec ce samedi en Belgique l'Omloop et Jozbald. Oui, c'est pire que l'anglais niveau prononciation. La plupart des spécialistes cyclistes voient le retour de Julien Alaphilippe sur les pavés 4 mois après sa violente chute au Tour des Flandres. Une rentrée sans pression pour Romain Bardet dans une nouvelle équipe. Une course qui est donc à suivre ce week-end du côté de la Belgique. Et on termine avec... Non, on termine pas, mais voici la Formule 1 tout de suite. Et à 2 semaines de la présentation de sa livrée 2021, Ferrari est déjà très sûr et très mesuré tout de même quant à ses objectifs pour la saison 2021, puisque l'écurie italienne vise déjà 2022 pour retrouver sa splendeur. Ferrari est un petit peu au creux de la vague cette année et donc prépare d'ores et déjà la saison suivante. Pour la saison 2021, les deux pilotes de l'écurie seront Carlos Sainz et Charles Leclerc. Et pour terminer, les championnats du monde de ski nordique après les championnats du monde de ski alpin au début du mois de février, c'est les championnats du monde de ski nordique cette fois avec le skiathlon femmes, les 15 km qui viennent de débuter à l'instant, 11h45, donc ça fait, si je calcule bien, 2 minutes. Voilà, 2 minutes, même 3 minutes, puisqu'il est 11h48 maintenant. Donc, tous ces lives sont à suivre en live vidéo sur le site France.tv, puisque contrairement au championnat du monde de ski alpin, ces courses ne sont pas diffusées sur les chaînes, mais sont bien disponibles grâce au groupe France Télévisions sur France.tv, sur France TV Sport, puisque France Télévisions a les droits de cette compétition. Voilà, voilà, le ski, on en reparlera dans les actes du sport de demain avec les principaux résultats. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Antigone. Il est 11h48, la case du week-end se poursuit. Nous allons parler médias dans quelques instants avec un rapide petit rappel de tout ce qui a pu se passer pendant l'absence de la case du week-end, puisqu'il s'en est passé des choses. Oh que oui, le début de cette année média est chargé, ça je peux vous le dire. Pour l'instant, voici un classique. Le classique de la case du week-end. Oh là là, alors là, le classique que je vous ai prévu là, vous l'avez, je suis sûr, déjà entendu plein de fois. Eh bien, vous savez quoi? Je vous propose de l'écouter. Et oui, malheureusement, fait toujours du bien ce titre. Un titre de 1979. Voici Patrick Hernandez avec Born to be Alive sur Radio Antigone dans la case du week-end. Yeah. vous êtes sur Radio Antigone. C'était un classique musical. Patrick Hernandez, Born to be Alive à l'instant sur Radio Antigone. 11h52, voici les actus des médias. Radio Antigone. La case des médias. Je n'ai pas encore pris le bon générique, mais on va dire que c'est un détail, bien sûr, la case des médias, ou plutôt les actus des médias, dans la case des week-ends chaque jour, chaque week-end, avec rapidement un petit résumé de tout ce qu'il a pu se passer dans le monde des médias depuis la dernière fois que nous avons fait cette émission, c'est-à-dire fin janvier, le 31 janvier, si je ne m'abuse. Donc pas d'émission en février, et pourtant il s'en est passé des choses en février, et début février, eh bien nous avons appris que Vincent Bolloré, actuellement, actionnaire principal du groupe Vivendi, auquel appartient Canal+, s'apprêterait à faire un pas de plus dans le champ médiatique en rachetant qui ? En rachetant Europe 1. Oui, la radio Europe 1, radio un petit peu en difficulté hein, depuis quelques années, niveau audience, niveau programme. C'est lesjours.fr qui a révélé cette information, et à cette période-là, début février, la transaction aurait été une question de ou à peine deux jours. Alors pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, Vincent Bolloré, l'entrepreneur breton souhaiterait donc racheter Europe 1 et ainsi faire de la station de radio une CNews radio. Voilà, alors CNews, c'est-à-dire se rapprocher de la ligne éditoriale de CNews, très à droite, qui fait grincer des dents de nombreuses personnes. Et l'ambiance du côté des bureaux d'Europe 1 est un petit peu compliquée en ce moment. Hein. Le sujet tend à être évité, mais le stress se fait sentir selon les échos que l'on peut avoir de là-bas. Donc c'est un petit peu compliqué, tout le monde est un petit peu en suspens, voilà, tout le monde retient son souffle. Pour l'instant, pas plus d'informations. Dernière information que l'on a eue néanmoins, elle est sortie hier, je crois, si je la retrouve très très rapidement, c'est que Arnaud Lagardère, actuel propriétaire de la radio Europe 1, puisque Europe 1 appartient au groupe Lagardère, a expliqué n'avoir pris aucune décision pour le moment. Voilà, c'est tout ce qu'il a pu dire hier. Il a tenu donc à temporiser. C'est OZAP qui nous l'a révélé hier, cette information. Mais donc pour l'instant, rien de plus concernant cet éventuel rachat de la station de radio Europe 1 par Vincent Bolloré pour transformer Europe 1 en une radio type CNews avec la même ligne éditoriale que CNews. Voilà, pour ce qu'il a pu se passer niveau média dans cette absence de la case du week-end. Xavier vous a parlé tout à l'heure de cette grosse panne au journal de 13h de TF1. C'est un des événements dont je voulais vous parler. Si Xavier ne vous en avait pas parlé, c'est chose faite. Xavier vous en a parlé, donc c'est parfait. De quoi pouvons-nous parler d'autre ? Eh bien, vous savez quoi ? Eh bien, je ne sais plus, voilà. Je ne sais plus, niveau ActuMédia, je ne vois pas trop quoi dire d'autre, donc je suis un petit peu perdu aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, à vrai dire. Non, mais voilà, c'est fini. Si on peut parler d'une petite polémique, quand même, dans l'émission The Voice sur TF1, avec un chanteur qui, qui a chanté tout d'abord une chanson assez polémique, mais qui a eu quelques problèmes sur les réseaux sociaux, puisque d'anciens de ses tweets sont ressortis des tweets datant d'il y a 2 ou 3 ans, des tweets sont un petit peu sensibles et qui lui a valu d'être retiré de la saison de The Voice malgré des tournages d'émissions précédentes, d'émissions suivantes, de palier suivant de l'émission déjà effectuée. Le chanteur a donc été retiré de l'émission, même s'il a passé les suivantes les je n'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. Même s'il a potentiellement passé les étapes suivantes de l'émission, il ne sera plus dans l'émission, les chansons ne seront pas diffusées, les battles qui arrivent dans quelques semaines sur TF1 à la suite, à la fin des auditions à l'aveugle, ne seront pas diffusées avec lui, en tout cas, et s'il gagne la battle, voilà, le fonctionnement sera un petit peu compliqué après, puisque les émissions suivantes ont déjà été tournées. En tout cas, il n'apparaîtra plus dans l'émission. Vianney est également un petit peu en mauvaise posture avec polémique sur une chanson sur l'IVG. Un petit peu complexe, voilà. C'est un petit peu le bazar du côté de The Voice pour cette nouvelle saison, qui est toujours au stade des auditions à l'aveugle. Nouvelle session d'audition à l'aveugle d'ailleurs ce soir à 21h05 sur TF1. Voilà pour ces actus immédiats avec ce qu'il a pu se passer en l'absence de la case du week-end dans ce mois de février. Radio Antigone, 10h midi, la case du week-end. Et malheureusement, je crois que nous allons déjà nous quitter. Excusez-moi pour cette deuxième heure d'émission un petit peu compliquée. Excusez-moi également pour cette case des médias qui était... pour ces actus des médias qui étaient pas très bien non plus. Hein. C'était complexe également pour la case des médias. Excusez-moi. À demain pour une nouvelle case du week-end. Excusez-moi pour ce petit blanc. À demain tout le monde. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.